Activité 3. Bonjour, c'est Marianne. Je t'appelle pour te demander un petit service. Est-ce que tu pourrais aller chercher Olga à l'école mardi prochain? J'ai une réunion qui finit tard à mon travail. Olga sort de l'école à 16h30. Est-ce que ce serait possible aussi de l'amener à son cours de danse à 17h30? J'irai la chercher après son cours de danse vers 19h. Rappelle-moi pour me dire si tu es d'accord. Je te redonne mon numéro de téléphone. C'est le 06 77 89 20 12. Merci, bonne journée.